Toujours en classe, t'es chill, tu reconnais. À peine je respire, quelle heure tu le connais. Par mes dieux, crime dans le flux de mes collègues. Paraît que les flics te braquent dans les collèges. Les odeurs piquent mon pif dans le métro. J'écris des rimes, j'm'en pif devant mes doses. J'tape mon pin quand j'pisse, c'est comme journal intime. Car une partie de ces loups, j'me pisse. Ya ya ya, vite en passé sur le téléphone. Info intox, no télécule. Salope, si tu me cherches, j'me téléporte. Bah oui, ma gueule se télévise. J'passe entre deux JT du soir. Qu'annonce-toi encore la fin du monde. Et putain, j'suis toujours au milieu des mauvaises nouvelles. Y'a pas une bonne nouvelle, ça fout la haine. Donc bref, ça m'arrive de pas trouver la forme. Hygiène de vie négligée car j'ai fumé la drogue. Ça m'a dit de baptiser l'alcool. Les professeurs m'ont dit de ne pas siffler la colle. Formé sur le terrain, ça renforce. Je vois qui tire les ficelles, on est figé dans la fosse. Je veux pas finir par faire partie de la horde. De ceux qui ont le pouvoir dont j'assoule dans ma grotte. Je suis dans le movie, je suis dans le movie. Je crève dans le movie, je crève dans le movie. Je suis dans le movie, je suis dans le movie. Je crève dans le movie, je crève dans le movie. Rosa a poussé dans l'asphalte, combat mené dans ma tête. Des perditions de ma terre, j'ai pas le courage de Rosa Parks. Je deviens taré parfois devant ma télé. Je vois que les petits ne matent que de la demeure. Je sais plus quoi dire en secret, c'est pas bénef. Tu le paieras s'ils disent, on va t'aider. Les clochards dorment dans le froid sans la doudoune. J'arrête de me plaindre, le pire reste à venir. J'ai mal au trip, j'ai le rap pour m'adoucir. Le bidon plein un doigt et mon doudou, j'ai trop honte. Souvent je culpabilise d'être un putain de pillon. Je serai jamais la femme d'un fillon. Faudrait rentabiliser sans piller. Je fais bien partie du peuple à qui dois-je me fier. Mauvais acteur, on a loupé la scène, enfant, tu la connais. On doit bosser, quitte à crever, jusqu'à détruire la terre. Mauvais acteur, on a loupé la scène, la fin, tu la connais. On doit bosser, quitte à crever, jusqu'à finir à terre. J'suis dans le movie, j'suis dans le movie. J'crève dans le movie, j'crève dans le movie. J'suis dans le movie, j'suis dans le movie. J'crève dans le movie, j'crève dans le movie. J'suis dans le movie, j'suis dans le movie.